tous mes amours. Nous sommes aujourd'hui à Sendai pour la petite finale de la Coupe du Monde d'Angelic Killer. Yay! Pour ceux qui n'auraient pas reconnu ma voix, je suis Tina Melodic. Je suis ce qu'on appelle une idol, mannequin à mes heures, mais surtout je suis la chanteuse du groupe des Yandere Sisters. Et si, mesdames et messieurs, je vous dis que je suis plus connue sous le nom de Sexy Tina. Eh oui, là, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, hein? La semaine dernière, j'étais en couverture du magazine J-Pop Hebdo. Et avec moi dans la loge, mon dadan chéri, je l'adore, c'est mon tout nouveau manager, Danpei Kamogawa. Ouais, bonsoir. Comme l'a dit Sexy Tina, on va commenter ce match du Japon contre la France. Oui, oh, j'adore la France. Je suis super copine avec la speedjumpeuse Laetitia Grenat, c'est ma waifu. Je te rappelle qu'elle a bien failli finir derrière les barreaux après l'histoire du meurtre du Tibétain Yuan, quand même. Mais heureusement qu'elle était disculpée. Il faudrait être complètement foufou pour croire qu'une femme aussi incroyable soit une tueuse. Ça l'a traumatisée, ma Letty. Hier soir, j'ai été la consoler à l'hôtel tellement elle était stressée, la pauvre. Et moi, je vous le dis, il faut être sacrément forte pour se relever et continuer le combat. J'entends bien, mais je dis simplement que la justice a été un peu trop rapide sur cette affaire. Ils auraient pu au moins annuler ce match. Non. Si on supprime l'Angelic Killer, on va droit dans le mur. Il faut préserver la culture otaku. Tu dis ça, mais à ce que je sache, t'en es pas une d'otaku. Mais ne remue pas le couteau dans la plaie. Ça a toujours été mon rêve de devenir une otaku. J'y peux rien si je n'ai jamais reçu ma lettre d'admission à Nausicaa, l'école japonaise otaku. Le jour de mes 11 ans, j'attendais devant la porte, mais le facteur n'est jamais passé. Mes parents étaient si bouleversés que je ne sois pas une otaku comme eux. J'en suis pas un non plus, et j'en fais pas tout un plat. Mais d'ailleurs, ça se passe comment les recrutements dans ces écoles? Je me suis toujours demandé, c'est pas hyper transparent comme processus, hein? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. Je croyais qu'il n'était pas passé chez toi, le facteur. Ah ah ah, très drôle. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, c'est d'ordre familial. Ou bien, il faut avoir des capacités particulières pour la culture japonaise. Avant, il y avait des otaku qui se faisaient passer pour des inspecteurs dans les écoles primaires pour dénicher les talents. Mais maintenant, je crois qu'ils font leurs recherches sur internet au préalable. Ma maman, quand elle a vu que je n'étais pas acceptée, elle m'a dit « pas de bol ». Ah, c'est sûr que la chance, ça joue aussi. Cela dit, elle aurait pu avoir un poil plus de tact quand même. Mais non, tu n'y es pas. Elle m'a dit que j'étais une « pas de bol ». Pas de bol en un mot. Ça veut dire que je suis née de deux parents otaku mais sans vrai don pour l'ensemble de la culture. Ah, d'accord. Ok, je vois. Bizarre comme terme. J'aurais tellement voulu coudre l'initiale du nom de ma maison sur mon kimono à mon premier cours de cosplay. Je suis sûre que j'aurais été envoyée dans la maison de Chihiro. Mais ils avaient raison. J'ai bien essayé les cours par correspondance Vitotac, mais au bout d'un moment, j'ai dû m'y résoudre. Je n'avais rien de spécial. J'ai quand même pu découvrir que j'étais super forte en chant et en danse. Être une pas de bol, ça m'a vraiment poussée à donner le meilleur de moi-même dans ces domaines en particulier. Et il paraît que maintenant on enseigne nos chansons dans les cours de J-pop. Je suis super fière. Je veux rien dire, mais les écoles d'otaku, ça me semble quand même être une sacrée arnaque. Et bien discriminatoire en plus. Nausicaa, Berserk, Jobar, Basara, Rebirth... Il y en a pas une pour attraper l'autre et puis c'est tout. Ouais, je sais, je vais pas me faire que des potes, mais je m'en fous, je balance. On est diffusé dans le monde entier, ça tombe bien. Ah, mon dadan, tu es vraiment un vilain garçon, hein. Ah oui, et pour info, si on n'a pas d'accent asiatique cliché, c'est parce que la diffusion radio est auto-traduite en direct grâce aux algorithmes générés par le système NetNavi. Très performant. C'est bien pratique, dis donc. Je me demande si ça fonctionne si genre, je dis un truc compliqué. Comme par exemple, les illusions de l'orgueil sont la source de nos plus grands maux. Mais la contemplation de la misère humaine rend le sage toujours modéré. Très belle citation, s'il en est, de ce grand philosophe français que j'adore, Jean-Jacques. URSS. Voilà, j'espère que je prononce son nom suffisamment bien pour que la reconnaissance vocale ne fasse pas n'importe quoi. Ah, les équipes ont leur magistrale entrée. Les joueurs se rendent à leur chaise et mettent leur casque de réalité virtuelle. Et ne vous inquiétez pas, tout est sous le contrôle de nos amis de la police japonaise. Même si on aurait préféré les voir au final, voici pour le Japon les Handbreakers Azuki, Echizen et Micheng. Au poste de shooter Hyuga et Ozora, le keeper Wakabayashi et bien entendu Aishil 21, le speed jumper. Et pour la France, Rei, Iori, Laki, Hanabi, Olivia, Céleste et Grenat. D'ailleurs, le nom de famille de Hanabi est Hyuga, car elle est en réalité une cousine de Kojiro Hyuga, le shooter japonais. Le père de Hanabi est d'origine nippone et a épousé une française. Bonne chance à tous, il y a une médaille de bronze en jeu! Le coach Whitehair Devil s'est déjà endormi sur son banc. Peu de chance de voir son côté démon durant ce match. Dommage. Le Japon a choisi un terrain de type jeu vidéo aléatoire. C'est clairement risqué, mais ça va nous offrir du beau spectacle. C'est déjà ça. Et engagement des Japonais. Ukizen passe sur le flanc droit à Mitchell. Il garde la balle et dribble. Il saute au-dessus d'un tonneau de Donkey Kong. Iori défend avec rayon support. Ah, Mitchell se fait piquer la balle par Yori Uchizuki. Elle a un boulevard devant elle et il fonce. Oui, elle est magnifique. Elle croise la route d'un cocard envoyé par le pied de Ozola dans un éjecteur. Il lui tape à l'épaule gauche, mais elle résiste et ne perd pas le contrôle du warp. Iori change de flanc pour Lucky qui était démarqué dans la surface et elle lance un tir en suspension. C'est dedans. 0 à 1 pour la France. Bravo. Ah, c'est beau. Double score. Wakabayashi a été pris à contre-pied. Il relance sur Hazuki qui demande à son équipe d'avancer. Elle temporise. Elle envoie le ballon rebondir sur le mur gauche pour qu'il atteigne son allié. Ukizen récupère, sans problème d'ailleurs, et esquive un cocard venant de Hanabi. Il charge vers les buts adverses. Et Ukizen effectue un tir smashé, mais c'est repoussé des deux points par Céleste. Et on repart dans l'autre sens avec Ray qui est protégé par la shooteuse Olivia. Ozola tente son tir de la feuille morte pour attaquer Ray avec un cocard sur lequel il ajoute un effet. Olivia réussit tout de même à le dévier avec son corps, mais son armure de protection n'a pris un coup. Ray tente un tir croisé, mais Wakabayashi l'arrête. Ah, il est un poil irrité par la mauvaise défense de Sean Breakers. Il concentre toute son énergie dans le boire, qui commence carrément à briller. Le keeper se met en position de lancer comme au baseball. Il arme son bras et envoie la balle aussi rapide qu'une bastos directement vers le keeper adverse Céleste. Tout le monde s'écarte, mais pas Céleste. Il a mis un effet dans son tir et c'est le but. Ouah, trop fort! Céleste était prêt à réceptionner le boarf, mais celui-ci a dévié à la toute dernière seconde. Ah, c'est trop d'émotion pour moi d'un coup. Je peux avoir de l'eau, Dadan? Eh, hey, vous avez entendu derrière? Ramenez de l'eau et que ça saute. Vous auriez pu prévoir des bouteilles, hein, bande d'incapables. Et je peux avoir un petit jus d'orange aussi, pour la vitamine C et tout ça? Eh, hey, prenez du jus d'orange aussi. Et du frais, hein, pressé à la main. Pas vos conneries d'orange transgéniques qui viennent du Québec. Ah, mais il faut que je protège ma voix quand même. C'est possible d'avoir du thé? Bon, et tant que vous y êtes, une bouilloire et une sélection de thé aussi. Et une bière pour moi, tiens. Merci, t'es trop gentil. Ouais, tu sais, je suis comme ça, moi. Tu me demandes un truc, je te l'apporte. Et grouillez-vous derrière, on va pas attendre toute la journée. Ah, ça me donne trop envie de chanter. Dans ma station... Ah mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Je te signale qu'on n'est pas payé pour que tu chantes. Ah bon? Tu commentes et puis c'est tout. Mais moi tu sais, ça me dérange pas de chanter, même sans contrat. Certainement pas, il n'en est pas question Tina. Attends, qu'est-ce qui se passe dans les grenades en face? On dirait que des persocopes semblent avoir appréhendé un individu. L'arbitre stoppe l'action, il y a comme de la fumée noire. Il y avait un départ de feu ou quoi? Mais pourtant c'est en octobre la fête du feu. Tina, ce mec, c'était peut-être un partisan d'amis. Tu sais, le méchant monsieur avec son masque de kabuki. Ah, d'accord! Les méchants otaku se sont mêlés à la foule! Un peu comme les vilains stalkers qui me suivent dans mes déplacements et tentent d'entrer jusque ma chambre d'hôtel! Ah, je comprends mieux! Quoi? Sérieux? Enfin bref, il ne faut pas paniquer, messieurs dames. Les autorités sont aux aguets, comme vous le voyez. Il y a un garde tous les 10 mètres et des robots flics un peu partout. Donc, soyez simplement vigilants autour de vous et prévenez-les si vous voyez quelque chose de suspect. Comme par exemple, un sac abandonné. Hein. Et reprise du match! Encore un but pour le Japon! 8 à 6! Belle action du Golden Trio qui s'est finie sur une lucarne de Jan Hazuki alors qu'ils esquivaient les plans de piranhas sortant du sol. La foule est en délire! Hazuki n'est dans l'équipe que depuis 2 ans, mais elle est devenue très populaire au Japon. À l'école Nausicaa, elle avait fait remporter 3 fois de suite la Coupe Daka à la maison Mononoke quand elle était capitaine. Ensuite, elle est passée titulaire après seulement 3 matchs sur le banc dans la célèbre équipe des Diamonds de Tokyo. Et en plus de l'Angelic Killer, elle est consultante sportive à la Gazette de Tokyo, à une marque de kimono de sport, et elle donne régulièrement des cours de physique nucléaire à la grande université de Todai. Ça, c'est bien digne d'une grande otaku. Sérieux, je comprends pas toute cette fascination pour les otaku, là. Ok, on peut dire que Hazuki est une exception, mais dans l'ensemble, ils n'ont rien de bien extraordinaire. Mais enfin, Dadan-chan, les otaku, ils sont comme... des gardiens de la culture japonaise. Ils travaillent les arts toute leur vie, protègent notre patrimoine et font en sorte de diffuser notre culture de par le monde. Ah bon? Non, parce que j'entends bien plus parler dans les journaux de sales types qui construisent des robots géants pour ravager les champs de soja, hein, plutôt que du développement de la culture japonaise au Moyen-Orient. Excuse-moi. Tu exagères toujours. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas aux 20h que c'est inexistant. Alors très bien, puisque tu t'y connais. C'est quoi les débouchés après être sorti de ces écoles, hein? Tailleur de bonsaï? Eh bien, tu te moques, mais oui, figure-toi, ça existe. Ils peuvent intégrer par exemple un master en Ikebana, l'art floral ancestral. Dans un autre domaine, certains deviennent chercheurs en otakulogie. Ah ouais, ils essayent de guérir le cancer avec du chiatsu. Ah, arrête! Ils sont un peu comme des archéologues des mangas, des historiens qui répertorient tout ce qui a déjà existé, et ce depuis les plus anciennes estampes. Eh ben ça a l'air bien chiant comme boulot. Ou sinon, il y a des postes au ministère de la Japatitude, c'est très recherché. Je m'en méfie de cela. Je pense que beaucoup nous écoutent d'ailleurs. Ouais, et si tu crois qu'ils me font peur, pas capable de balancer eux-mêmes derrière des barreaux les zinzins d'otaku qui ont mal tourné. Et c'est un gamin tout seul de 12 piges qui les leur a offert sur un plateau d'argent. Le mot m'a tout fait, hein. Et dans les jours qui ont suivi, tout ce qu'on entendait, c'était que le ministère anglais avait grandement contribué à la capture de dizaines de partisans, gna gna gna. Du foutage de gueule, moi je dis. C'est vrai qu'il est incroyable ce Hachipoa. Il a fait tellement de choses en seulement une année à Jobar. Non, faut reconnaître que le gamin a vraiment des grosses couilles. Tu me fais penser. Faudra que je dise au patron Tsunku-san de mettre ce Powa en featuring dans ton prochain album. Ouais, bonne idée ça, tiens. Je vais me le noter. Nous venons de passer la 30e minute de jeu. Les speedjumpers Aishid 21 et Grenat n'ont pas encore commencé à se combattre et observent la moindre faiblesse de l'autre pour attaquer. Un coquard bien envoyé qui déséquilibre ou bien un élément du décor qui apparaît soudainement. Et l'un d'eux pourrait bien prendre le dessus. D'ailleurs, il suffisait d'en parler, le terrain se transforme sous nos yeux. Nous sommes dans la greeny zone de Sonic cette fois, et avec la musique emblématique. Ah ouais, la version holographique est pas mal du tout. On est bien loin du film live. Avant ou après la refonte graphique du design de Sonic? Me lance pas sur ce débat, ça va me prendre la tête. Je suis sûr et certain que le réalisateur est en fait un pro-comics. En tout cas, l'air de jeu a gagné en volume avec des collines, des ponts en torsade, et même le fameux looping en plein centre. Mais pas de bumper pour sauter par contre. Il y a des ados à ramasser un peu partout qui semblent donner de la vitesse. Lucky Sunny a le boire. Elle tente de passer par le pont, mais perd l'équilibre et tombe en contrebas. C'est Etchizen qui le récupère et repart à toute berzingue en sens inverse vers la tipeur française. Mais non, il se prend des piques sortant du sol. Il perd bien évidemment les anneaux qu'il avait accumulés. Et la balle blanche. Céleste reprend le boire et l'envoie à Ray. Elle ne prend pas trop de risques et fait un grand détour. Les shooters dans les deux camps sont perturbés par le relief et n'arrivent pas à viser les handbreakers. Ray passe à Yori, qui fend quoi Kabayashi et marque. Le gardien temporise et demande à ses coéquipiers de s'approcher de sa zone. Et chez 21, le speedjumper japonais laisse le marquage de Grenat pour venir écouter la stratégie préparée par le keeper. Les françaises, quant à elles, reculent en défense et essaient de couvrir les angles morts du terrain. Oh là là, je me demande ce qu'il prépare. Le capitaine Tsubasa semble d'accord avec l'idée de son keeper. Aishid se met en position en plein dans l'axe. Les shooters Tsubasa et Hyuga de part et d'autre de lui. Et derrière, les trois handbreakers sont en ligne avec assez peu d'espace entre eux. J'en y tiens tenant fermement le bois. Les drones caméras s'affolent et se mettent en position pour ne rien rater de l'action. Et c'est parti! Aishid 21 se met à courir de plus en plus vite vers les anneaux. Les shooters sont dans son sillage. Il prend le looping. On attendait qu'un joueur pousse de fer. Mais les shooteuses françaises se tiennent par l'épaule pour protéger Grenat de l'attaque. Aishid va effectuer son fameux Devil Maghost. Il tente de le stopper. Mais non, il effectue une rotation de son corps qui les prend pas surprise. Et il arrive à les passer. Il continue d'accélérer pour percuter Grenat. Allez, il faut que tu résistes, Manetti. Même si je suis un peu pour le Japon quand même. Elle tente l'esquive, mais Aishid peut faire des virages en angle droit. Ah, c'est le choc. Oh non. Ah, c'est dommage. Grenat est à terre. Son armure est complètement détruite. Et elle se retrouve sans défense. Le Kintama est lancé du côté japonais. Aishid court pour l'attraper et mettre fin au match. Et c'est un nouveau but pour le Japon. La team Tsubasa et Yuga sont allés au plaquage des joueuses françaises pour les bloquer, tandis que les Handbreakers se sont fait des passes éclairs entre eux pour brouiller les adversaires. Et l'action s'est terminée avec un but de Ryoma et Chizen. Et non, le Kintama s'est volatilisé. Aishid n'a pas pu mettre la main dessus après avoir mis au tapis Grenat. La distance à parcourir était trop importante. Mais ça s'est joué à peu de choses. C'est en revanche une bonne nouvelle pour la France qui garde une chance pour cette petite finale. Et logiquement, la coach Kulenai demande un temps mort. Cette phase d'attaque m'a épuisé. On en a pour notre argent et il se donne à fond. Ça me rappelle le derby de l'année dernière entre Kobe et Osaka. Ouais, c'était assez cool, si ce n'est que le présentateur était un gros otak bien relou, toujours faire des références obscures de n'importe quel manga, hein, juste pour se vanter qu'il les avait lus. Sérieux, y'a pas de bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des comme ça, mais on apprend des choses, Russell. Je préfère regarder un bon match de sumo, au moins les mecs c'est des vrais sportifs. Ah, on me dit que c'est le moment d'écouter le Flash Info. Bon, bah, c'est parti, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonsoir, ici Force Dorée en direct au large de Kyoto pour vous rapporter les dernières nouvelles du monde de la finance otaku. Ne faites pas attention au bruit derrière, j'ai invité quelques amis à ma soirée bling bling. Hé hey toi, je freine un peu sur la bouteille mec, ok? T'en laisses aux autres. Bon ça... Alors, pour les informations quotidiennes. Donc, bon, je ne vous apprends rien, c'est la merde. Enfin, moi ça va plutôt pas mal, mais dans l'ensemble, on va dire que c'est la merde, hein. Entre les agissements de vous savez pas qui d'il y a à peine quelques mois, les piratages de stade, le joueur Yuan mort durant le précédent match, ou encore les vitrines de librairies japonaises vandalisées durant les virulentes manifestations pro-comics ayant pour but de stopper notre belle Coupe du Monde. Cette petite finale est pour le moins très médiatisée. L'équipe du Tibet est en recherche active d'un remplaçant au poste de speed jumper. Soit dit en passant, il est à relever que l'acteur Franky Di Bosco s'est cette fois-ci exprimé en défaveur du mouvement pro-comics et on verra demain s'il change encore d'avis. Les répercussions se font déjà sentir à la bourse de Tokyo, comme je vous le disais en préambule. Les Japonais sont angoissés par ce qu'il se passe dans leurs murs. Et bien que beaucoup d'entre eux soient admiratifs de la communauté otaku, ils s'attendent au pire avec l'annonce récente venant de l'homme se faisant appeler Ami et son parti de l'amitié. Résultat, depuis deux jours, c'est la panique. Les Japonais et les otakus s'imaginent déjà la fin de la culture japonaise. Ils se sont rués vers les magasins d'alimentation pour stocker un maximum, coupant drastiquement entre autres dans le budget des loisirs. Ce vent de panique est en partie dû au terrible message écrit en lettres de sang qui ont été disséminés dans tout le Japon, sur lesquels on pouvait lire, de point ouvrir les guillemets, « Le gingembre très sucré a été votre perte. Ennemi de l'amitié, prenez garde. » Et maintenant, le point sur la bourse de Tokyo. L'indice Nikkei 225 est en chute libre, le yen est en net recul par rapport au dollar, et ne parlons même pas de la livre sterling, au risque de se fâcher. Du côté des crypto-monnaies, c'est une dégringolade de l'Otacoin, tandis que le Comiccoin remonte. Les secteurs du divertissement et du tourisme sont au plus bas, et ce sont les sociétés de jeux vidéo qui sont les plus touchées. Souvenez-vous, cela a commencé avec Nintendo, racheté par une exploitation de fruits et légumes, devenu à présent Fruitendo, hein ? S'en est parmi. Et aujourd'hui, encore un coup de tonnerre, c'est bel et bien Square Enix qui vient de tomber aux mains d'une célèbre enseigne de produits laitiers. Sans plus attendre, le PDG Bill Kaskroot a renommé la firme en Square et Lactalix, et au grand dam des fans a tout bonnement annulé le projet Banal Fantasy 3 pour annoncer le développement d'une nouvelle licence en remplacement, Fromage Fantasy AOP. Il a en outre communiqué son souhait de devenir actionnaire majoritaire chez Sony Interactive Entertainment afin de lancer, selon ses dires, hein, une nouvelle console de jeu qui s'appellerait la Yoplay Station. On espère que ça se fera pas. Et évidemment, ces annonces ont aussi fait de rares heureux qui ont gagné de l'argent au détriment des autres, hein. Bon, et j'avoue, c'est mon cas. Hein. Oui, perso, j'aime bien me diversifier. Je boursicote par-ci, par-là. Et pour ne rien vous cacher, j'avais placé pas mal de yens, hein, sur Kikkoman Corporation, qui est le leader sur le marché de la sauce soja. Et bon, bah, mes amis, elle a crevé le plafond. Hein. J'ai tout revendu et je me suis fait un de ces pactoles. Et du coup, pour commencer, j'ai acheté ce yacht où je me trouve à l'instant. Et ensuite, une toute nouvelle armure en or flambant neuve. Et ouais, les gars! Bon, je sais que c'est pas bien de se réjouir, surtout que si tout le monde fait comme moi, ça risque de... Bon, bref, c'est tout pour le Flash Info du jour. Malheureusement pour moi, je suis toujours sous contrat. Alors je vous dis à demain pour la finale et je vous rends l'antenne. Hé machin là-haut, j'espère que tu m'as laissé des maquis au ton géant des mers du sud. Hein. Mais c'est pas pire que les otaku qui se font de la thune en animant leur idol virtuel. Ils détruisent le marché de la J-pop avec leur Hatsune Miku de mes deux. Et nous revoilà en direct, mon cher Danpei. C'est toujours moi, Sexy Tina. J'espère que tout le monde a pu se réapprovisionner pendant la pause. Je me dois de citer mon sponsor, les auberges du Nippon Chanteur. Celle de Londres a réouvert il y a peu, et la marque s'est implantée un peu partout dans le monde, comme par exemple à Moscou, Rio, Charleroi, et également au dernier étage de la Banque de Tokyo. On remercie Gom, le gérant, pour les billes de beurre bien fraîches. Et pour nous requinquer, il nous a donné plein de sucreries. Oh là là, ça a l'air trop bon. Il y a des fondants du shoujo, des chocobos au poivre, des dragées surprises de Bertrand Couillu, ou encore des shurikens à la réglisse. Et puis... Non, attends, Dada, ne mange pas ça. Oh, mais c'est dégueulasse, ce truc-là. C'est de la chocotambouille. C'est un mélange de durian, de marmite et de plusieurs autres trucs. C'est assez particulier en goût, mais certaines personnes en raffolent. Oh, on n'a pas idée de vendre un truc aussi immonde. Oh. Attends, ne fais pas ça, il y a une carte de mangaka célèbre dedans. Ah, oh, c'est une gold. Oh non, elle est complètement déchirée maintenant. J'y crois pas. C'était une carte super rare. Celle de Hayazawa, l'auteur du manga Nana. Ça valait dans les 50 000 yens. Non, mais c'est vraiment une journée de... Tu sais, moi, quand je suis un peu tristoune, je me mets à chanter. Shalom, shalom, hey, hey, hey, hey, hey, shalom, kudumo danante, homo danan, omachigai yo. Non, arrête tout de suite. On n'a pas de contrat. Bon, maintenant ça suffit, tu t'arrêtes illico. T'es vraiment pas gentil, Dan Payson. Oui, ben je te rappelle que t'es dans la vingtaine et que t'es plus une ado. Je sais que mes prédécesseurs t'ont tout laissé passer vu que t'es la meilleure artiste de notre studio, mais avec moi tout ça c'est terminé. Hein? On dirait que des individus sont embarqués par la police dans la tribune nord. C'est encore des méchants? Mais non, arrête de faire peur aux gens. Ça arrive tout le temps des petits accrochages de supporters. Le match va reprendre sans aucun problème, tu vois. La sécurité est sans faille ce soir. Ils sont super forts les persocopes. Mais chez les robots, je préfère les persocopes. Ils sont plus gentils et ce sont de fidèles serviteurs. Ouais, jusqu'à ce qu'ils se mettent à servir le monde. Regarde, le terrain se métamorphose à nouveau. On dirait des îles et des genres de cavernes se tenant au-dessus de l'eau. En effet, Jeff, l'ingé son me dit dans l'oreille que d'un commun accord, les deux équipes ont décidé de terminer la partie en mort subite façon Worms. Les cocards et les éjecteurs sont donc désactivés. Les îles vont couler au fur et à mesure, et les joueurs pourront récupérer fréquemment des caisses parachutées sur le terrain avec des objets tirés du jeu vidéo pour pimenter tout ça. Et dans l'une des dernières caisses, il y aura le Kintama. Comme d'habitude, il faut que les speedjumpers s'en emparent et sautent pour effectuer un panier se situant au milieu du stade, sur l'île la plus haute. Si un joueur tombe dans l'eau ou bien perd tous ses points de vie, il ne pourra plus réintégrer la partie. Ceux qui possèdent encore une armure de combat sont privilégiés, mais donc moins rapides. Je crois savoir que le Worms était une des épreuves possibles lors des qualifications. C'est plutôt sympa de voir maintenant. Les supporters sont ravis. Coup de sifflet. L'arbitre relance la partie et nous sommes toujours sur un score de 9-7 en faveur du Japon. Céleste engage et passe à Lucky. Iori a récupéré une caisse. Elle place une poutrelle pour permettre à Lucky d'aller sur l'île suivante. Une grosse explosion dans le camp français. Personne n'a été touché, mais il s'agissait d'un coup de bazooka venant de Tsubasa, qui n'a pas perdu de temps. Azuki se fait propulser par les pieds de Hyuga. C'est une figure classique de l'angélique acrobatique, le Skylab. Elle réussit à passer de l'autre côté du fossé et récupère deux caisses. Elle utilise le corps de ninja pour se poser sur un monticule, puis lance une grenade dans le corps de... Pendant ce temps, Jean-Michel a pu créer un pont et les Japonais se sont précipités pour prêter main forte à Azuki. La grenade n'a touché personne, mais a fait un deuxième énorme trou côté français. Kojiro Hyuga possède un jetpack. Il passe tout le stade et se lâche dans les airs pour frapper sa cousine Anabi Hyuga avec une attaque du tigre foudroyeur venant du dessus. Mais elle esquive brillamment. Bravo Anabi. Et maintenant, elle concentre son énergie et le frappe avec un point de feu. Et Kojiro chute dans la mer. Incroyable, elle l'a éliminé. Alors ça, ils vont en entendre parler pendant longtemps. Et c'était bien joué, Kojiro ne l'a pas vu venir. Et à présent, la plupart des îles sont reliées par des ponts. Le Japon a du mal à gérer cette transformation de stade, ils sont désorganisés et Lucky en profite pour passer le voir Fayori, qui est passé sur le flanc gauche sans aucune défense. Face au keeper, elle arme son tir et marque. 9-8, la France remonte. Vive la France! Vive Jacques Chirac! Prenons Stripon sur Mitchell, pendant que le capitaine Tsubasa appuie sur le gros bouton rouge du télécommande provenant d'une caisse qui vient tout juste de se poser à côté de lui. C'est une attaque aérienne! Un dragon origami! Un dragon de papier survole le stade et crache des boules explosives qui aillent le camp des Frenchies. C'est devenu un véritable gruyère! Et Mitchell part tout seul en longeant le bord du stade. Il arrive face à Céleste qui est à terre et il marque facilement en pleine lucarne! Les Speedjumpers, Grena et Eyeshield se retrouvent face à face de nouveau et reprennent leur combat. Les équipes sont au coude à coude, mais si les Speedjumpers n'arrivent pas à se départager avant de couler, il semble que le Japon est en bonne voie de l'emporter avec 10 points contre 8. Olivia utilise son item récupéré plus tôt. Ce sont des petits poneys qui trottinent gaiement vers les japonaises. Oh, comme ils sont kawaii! Ah, je suis trop fan de Fluttershy. Oh mon dieu, mais c'est horrible! Ouais! De la violence gratuite sur des trucs mignons. Là, vous me faites plaisir, les orgas. Mais Je fais un petit zoom, là, sur la gamine en fleurs. Excellent. Alors ça, c'est direct dans le bêtisier de Noël. C'est pas gentil, Dadan. Et ça s'appelle Angelic Killer. Faut bien un peu d'agressivité. Et Jean-Michel ne sait plus où il habite. Il cherche le boire et se fait pousser dans le vide paré. Un ami tire à bout portant au fusil à pompe sur Azuki. Son plexus de Milan n'a pas suffi pour absorber les chocs. Et avec ça, on enchaîne les éliminations japonaises. Aïe. Dadan, il semble que Tsubasa a trouvé l'objet le plus puissant. La sainte grenade. Oui, c'est bien ça. Il enlève la goupille. Oh, mais Olivia, qui se trouvait à proximité, se précipite sur lui et empêche de la lancer. Kamisama, elle s'est sacrifiée pour éviter un carnage chez les Françaises qui étaient groupées. Les deux sont éliminés et le trou dans l'île arrive jusqu'à l'eau. La mer va bientôt engloutir les autres îles. Il ne reste que quelques secondes de jeu. Et qui a le boarf? C'est Ray. Elle surgit de nulle part et envoie au fond des filets. 10 à 9, toujours en faveur du Japon. Cela dit, ils sont en nette infériorité numérique. Wakabayashi effectue une relance très longue sur Echizen, qui est dans la zone française, seule face à Céleste Crystal. Il veut maintenant faire un écart dans le score pour que les Françaises ne puissent pas remonter. Et c'est pas con! Pas con, pas con! Ça fait trois fois pas con! Mais non! C'est intercepté en l'air par Lucky qui est en hauteur. Les Speedjumpers continuent leur combat. Et peu d'évolution tout de même. Grena est désavantagée avec la perte de son armure. Cependant, elle est très agile et Elshil n'arrive pas à la prendre de vitesse sur cette trop petite plateforme centrale. Ah ah! Une caisse vient d'atterrir! C'est certainement le Kintama. Et Céleste a quitté ses cages. Elle rejoint ses alliés en sautant malgré le terrain déformé. Allez les filles, wouh! Ray et Lucky enchaînent les tirs contre Wakabayashi qui arrive tant bien que mal à repousser les attaques. On dirait qu'il est enragé. Hanabi vient s'ajouter à la fête et veut certainement le déstabiliser. Elle se met devant lui alors que Lucky envoie le boire dans son angle mort. Echizen vient d'apparaître avec un objet téléporteur. Il a pu éjecter le boire d'une claque. Et c'est la gardienne Céleste qui le renvoie en reprise de volée. Et c'est dedans! 10 partout! Wouh! Et elle égalise! Par contre, ça sonne la fin des joueurs sur cette belle action, puisque ça y est, Lou a fini par les rattraper. Il ne reste plus que Eyeshield et Grena. Le Kintama est au sol, et ni l'un ni l'autre n'arrive à le prendre pour le mettre dans le panier. Il se fixe et dépose les armes. Mais pourquoi? Est-ce un nouveau bug? La dernière, il est en train de couler, et ils se mettent dos à dos, et ils saluent le public. Hein? Ils se jettent tous les deux dans l'eau. Mais ça veut dire que le match est fini? Oui! Égalité, 10 partout! Mais pourquoi? Il y avait encore une poignée de secondes à jouer! Le terrain holographique disparaît. Tous les joueurs enlèvent leur casque de réalité virtuelle et marchent vers le centre du terrain. Je ne comprends pas. On dirait que Grena demande un micro. Alors là, je veux bien entendre ce qu'elle a à nous dire. Bonsoir, je suis Laetitia Grena. Je représente l'ensemble des joueurs de mon équipe et de celle du Japon, mais aussi la Fédération Internationale d'ACA qui m'a choisi pour porte-parole. Une décision très importante a été prise dans la journée au vu des récents événements et des problèmes de sécurité, celle de mettre un terme définitif au sport d'Angelic Killer. Il est légitime de faire entendre votre voix, chers otaku, mais j'aimerais développer l'explication d'un tel bouleversement. La fiabilité du système a été mise en cause depuis plusieurs années. Des troubles de mémoire survenant chez certains joueurs, une addiction au monde virtuel, un enfant électrocuté dans l'enceinte de l'école Joba, ou encore le tragique décès du Speedjumper Yuan, tout ceci combiné aux attaques terroristes. Un vote a eu lieu cet après-midi sous l'œil avisé du président Hiruma-sama. Le verdict fut sans appel. 78% furent pour l'arrêt définitif du sport sous cette forme. Car en effet, une nouvelle version du sport des otaku viendra très prochainement. Je crois savoir que l'entreprise Kaiba Corp va bientôt proposer un bêta-test d'un nouveau système de réalité augmentée bien moins dangereux. Ce n'est pas la première fois que ce sport subit une refonte drastique depuis l'époque ancestrale du Shinigami no Kira, et ce ne sera sûrement pas la dernière. Je suis la première impactée, puisque mon travail va être supprimé, tout autant que celui de centaines de joueurs, entraîneurs et nombre de métiers gravitant autour de la cadre de par le monde. Mais nous ne sommes pas en train de céder face au terrorisme. Il s'agit simplement d'avancer le calendrier de quelques années, car le remplacement de l'Angelic Killer était déjà prévu depuis longtemps. Ce soir, nous avons voulu vous présenter notre meilleure performance. Les deux équipes se sont données à fond, et lorsque nous n'étions plus que les deux speedjumpers restants sur un score équivalent, nous nous sommes consultés brièvement pour en rester là. Que tous les supporters ayant obtenu un ticket pour la finale de demain soir se rassurent. Elle aura évidemment tout de même lieu, comme convenu, à Tokyo, entre les équipes des États-Unis et celles du Tibet. Mais il y aura un changement important. En effet, le match ne sera pas diffusé en télévision. Le direct n'aura lieu qu'en radio. Il y aura un enregistrement vidéo, mais ce sera en circuit fermé pour éviter un quelconque piratage des ondes et sera uniquement disponible en rediffusion. Tout est fait pour assurer la totale sécurité des spectateurs et de multiples contrôles auront lieu. Les otaku n'ont pas peur du parti de l'amitié. Rien n'empêchera ce match d'être joué. Ah, et ça n'a rien à voir, mais je profite de cette antenne pour annoncer mon mariage avec Aichi 21. Merci de votre attention. Alors là, j'en tombe de ma chaise. Tadan. La fin de l'Angelic Killer. Mais on va faire quoi maintenant? Regarder du foot? Plutôt crever. Dadan, chérie. Et pourquoi elle annonce son mariage d'un coup? Sérieux, on s'en fout! Dadan, c'est plus possible. Il faut que j'aille chanter. Je t'ai déjà dit non! Mais je m'en fiche. Je chante si je veux d'abord. Je vais faire mon prochain single en avant-première. Mais t'es folle! Je te rappelle que tu es sous contrat avec Fuji TV pour le live du mois prochain. Et tu vas te faire virer. Et moi aussi! Ah, ça m'énerve! Et juste avant, tu disais que l'Angelic Killer, c'était super important. Ils le suppriment complètement, mais ça ne te dérange plus maintenant. Mais ils vont le remplacer, alors c'est pas si grave. Ça me démange, il faut que je chante pour cette soirée mémorable. Comme David Hasselhoff l'a fait pour le mur de Berlin. Je peux faire une cover de Sakura Night Fever, au moins? Ça doit pouvoir se faire, mais il faut que je contacte le label et qu'on s'organise, quoi, enfin... Super, j'y vais. Attends, Tina, il faut que je contacte la sécurité du stade et que je... elle va me rendre fou, celle-là. Allô, Monsieur Tsunku? Ouais, y'a Sexy Tina qui veut chanter Fever dans le stade pour pas un rond. Bah ouais, je sais, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Oui, oui, oui, je sais, vous avez raison, c'est mon job. D'accord, oui, d'accord, monsieur. Je vais faire le nécessaire pour garder le contrôle de la situation, oui. Dans votre bureau lundi? Bien, monsieur, bien, bien, oui. Sakura Fever, Fever, 春が来て 女子も男子も胸はしゃぎ夜は Light up, Light up, 照らされて 誰かにお酒飲んで騒ぎ これってどうなんでしょう いかがなものでしょう 僕らだって生き物なんだ 夜は眠りたい Fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever, fever rien de